والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في النوع الثاني من الشرك فذكر رحمه الله تعالى في النوع الأول شرك التعطيل شرك التعطيل ثم ذكر في النوع الثاني شرك التمثيل وهو الشرك من جعل معه إلها آخر الشرك التمثيل كيف بينه المصنف رحمة الله عليه قال الشرك التمثيل وهو الشرك من جعل معه إلها آخر ثم ضرب المثال فقال كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين أو المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وإسناد حوادث الشر إلى الظلمة والشرك القدرية المجوسية مختصر منه قال وهؤلاء أكثر مشركي العالم وهم طوائف جمة. Donc ensuite l'auteur, on va reprendre sans plus attendre sur la lecture de l'œuvre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et donc l'auteur dit, et la deuxième catégorie, donc il clarifie les deux sortes de shirk, les deux sortes de shirk qu'il a mentionné. Shirk au ta'til, dans la première catégorie on a étudié le shirk ta'til de la négation avec sa composante, ou ses composantes avec la subdivision en trois catégories. Et cela on a terminé dans la dernière assise d'hier. Ensuite, on a commencé, l'auteur commence sa deuxième catégorie. Il dit la deuxième catégorie de shirk, c'est ce qu'on appelle, ce que nomme l'auteur shirk ut-tamthil, le shirk lié à l'assimilation, ou bien à la comparaison, ou bien le fait de faire ressembler, d'attribuer, d'assigner un semblable. Qala wa huwa shirk man ja'ala ma'ahu ilahan akhar. Et donc ça, c'est le shirk de ceux qui assignent une autre divinité avec lui, une autre divinité, un autre ilah avec lui. Ensuite, il donne des exemples parmi les nations précédentes qu'An-Nasara, lorsqu'ils ont pris le prophète El-Masih, Isa, alayhi salam, comme ilah. Ça, c'est un exemple de shirk tamthil. Ou bien Al-Yahoud, lorsqu'ils ont pris leur prophète Uzair, le prophète Uzair, comme ilah. Ça, c'est un exemple de tamthil. C'est un exemple de tamthil. Ou bien El-Majus. El-Majus, on avait dit, c'est ceux qui adoraient deux créateurs. Pour eux, un créateur du bien et pour eux, un créateur du mal. Donc pour eux, il y a, pour El-Majus, deux créateurs. Un, celui de l'obscurantisme, comme ils disent, ou bien du mal, et un, celui de la lumière. La lumière, An-Nur, ou bien il est dit aussi du bien. Du bien. Donc deux créateurs. Ça, c'est avoir assigné un associé Allah Azza wa Jal dans cela. Fa al-majus al-qailin bi isnad hawadith al-khair ila an-nur. Et donc pour eux, le bien provient de la lumière, wa isnad hawadith ash-sharr ila adh-dhulma. Et de ce fait, le mal pour eux vient de l'obscurité. Wa shirk al-qadariyya al-majusiyya. Et du même fait, aussi le shirk de la doctrine qu'on appelle Al-Qadariyya. Et donc on comprend bien pour nous les musulmans, dans la tradition musulmane, dans notre religion, dans l'islam, il n'y a qu'un créateur subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'un créateur, c'est pour ça que c'est la religion du monothéisme. Sauf qu'on a dit, comme les nations précédentes n'ont pas été à l'abri ensuite de tomber dans des formes de polythéisme. Notre nation aussi n'est pas à l'abri. C'est pour cela que les grands théologiens musulmans enseignent qu'est-ce que le monothéisme pur. pour que les musulmans restent sur la religion, une religion pure, celle qui a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pourquoi ? Parce que comme on le verra, avec le temps qui s'écoule, avec les années, avec les siècles, Shaitan, la première chose qu'il essaye de semer, c'est la dérive. C'est-à-dire que les gens dévient du droit chemin. C'est la première chose qu'il essaye de faire dévier les gens du droit chemin, du chemin indiqué par leur prophète et les messagers. C'est pour cela que Shaitan, dans les temps anciens, a assailli les communautés précédentes. Jusqu'à ce qu'ensuite, beaucoup ont dévié. Et ils ont dévié du monothéisme pur. Celui dont leur prophète leur avait enseigné. Et de ce fait, les musulmans doivent tirer leçon de cela pour justement préserver le monothéisme pur. Et c'est ce qu'on apprend ici. Ensuite, قال المصنف رحمه الله تعالى. Et donc, après qu'il ait cité cela, shirk tamthil, pourquoi on appelle tamthil, shirk tamthil, on pourrait dire aussi tashbih. On a le thème tamthil de l'assimilation. Wa tashbih. Fahum muthbitun wujud Allah, walakinnahum yushabbihun bihi ghayrah. Dans cette forme de shirk, ce n'est pas qu'il renie l'existence du Créateur. Cette catégorie citée et des exemples cités, ou la catégorie de shirk tamthil. Le shirk tamthil, ici, ce n'est pas dans le sens qu'ils ont nié l'existence du Créateur. Pourquoi ? Parce que ça, c'était lié à ce qu'on appelle shirk ta'til. Mais dans cette catégorie-là, l'existence du Créateur est affirmée et différentes doctrines et différentes fractions qu'ils ont pu sombrer dans ce qu'on appelle shirk tamthil, eux, ils approuvent et affirment et croient à l'existence du Créateur. لَكِنَّهُمْ يُشَبِّهُونَ بِهِ غَيْرَهُ. Mais ils ont comparé le Créateur à autrui, c'est-à-dire aux créatures. Donc le shirk tamthil ne se fait pas en reniant le Créateur ou l'existence du Créateur, mais en comparant, en assimilant le Créateur aux créatures. Créateur aux créatures. Qala walakinnahum yushabbihuna bihi ghayra min makhluqatihi wa yumathiluna wa yaj'alunaha mithl wa 'adil wa shabihan lillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc de ce fait, le fait de comparer le Créateur, vous allez bien comprendre. Et vous allez comprendre aussi dans le monde musulman, ensuite dans les premiers siècles de l'islam, lorsqu'ont émergé certaines doctrines. Vous allez bien comprendre. Et le fait de connaître les choses à éviter, c'est important pour les éviter. Lorsqu'on ne veut pas tomber dans un mal, il faut apprendre celui-ci pour éviter ce mal. Comme elle est dit dans une parole, j'ai appris le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver, car celui qui ne distingue pas du bien du mal, il tombe. Donc on apprend le mal, pas pour le mal en lui-même. Les musulmans ne veulent pas apprendre le mal pour le mal en lui-même. Mais cette chose-là, on l'apprend pour la connaître. On apprend à connaître les différentes dérives pour pas y sombrer et pour pas tomber dans les pièges de Satan. Pourquoi ? Parce que Satan nous tend des pièges constamment. Il tend des pièges constamment. Et c'est avec l'ilm, parmi les causes, hein, avec la clairvoyance et le savoir, qu'on peut éviter ces pièges. Mais bien sûr, il faut tawfiq min indillahi azza wa jal. Il faut aussi qu'Allah nous accorde la réussite. Tawfiq. Et ça provient du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Al-ilm huwa sabab. La science, le savoir, c'est une cause pour éviter justement les pièges de Shaitan. Shaitan ne va pas laisser l'être humain. Il va l'assaillir de tous les côtés, comme il est dit dans le verset. Par devant, par derrière, par la droite, par la gauche. Il va l'assaillir de tous les côtés. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il dit, je viendrai à eux par devant, par derrière, par la droite, par la gauche. Et il dit au créateur, et très peu d'entre eux, tu les trouveras reconnaissants. Donc, Shaitan va assaillir l'être humain. Pas que dans le domaine de la conviction et de la croyance. Même dans votre vie de tous les jours. Par exemple, dans le foyer. L'homme avec son épouse. Il y a un foyer. Shaitan, lui, son but, c'est pas que les gens vivent en harmonie, vivent dans le bonheur, vivent dans l'entente, dans l'union, et que le foyer soit un foyer heureux et bienheureux et dans le bonheur. Lui, il va vous assaillir, il va aussi bien attaquer l'époux, attaquer l'épouse, aussi bien pour détruire ce foyer. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, le but, c'est la descendance. Perturber ici le bien-être de la descendance. Donc lui, Shaitan, lui, le Satan, lui veut du mal aux êtres humains. Veut du mal aux êtres humains. Pensez, il est dit dans un dicton arabe, dans une épreuve, ne cherche pas ton ennemi, mais cherche la leçon qu'il faut tirer de cette épreuve. La leçon qu'il faut tirer de cette épreuve. Il y a des leçons à tirer. Mais ce qu'on sait, c'est que l'ennemi évident, c'est Shaitan. Donc parfois, on est en conflit avec des tierces personnes, en litige, en désaccord. On pense que eux sont nos ennemis, mais en réalité, c'est le Satan. L'ennemi, c'est Satan. C'est lui qui a semé la discorde entre l'époux et son épouse, entre un ami. Il y a des gens, c'est Ajib, ils étaient amis de longue date. Une amitié des décennies, certains. Certains, c'était des amis d'enfance. À un moment donné, plus de relations. Ils ne se parlent plus. Combien ? Maintenant, on est même étonné. Lorsqu'on voit que, par exemple, les relations d'amitié durent. Et on voit des gens, mashallah, au bout des années, ils sont toujours amis. Et là, on se dit, Ajib, mashallah. On est dans une époque où on est dans une époque où ce n'est plus étonnant, celui qui a péri, qui a dérivé, qui s'égare. Comment est-ce qu'il a fait pour s'égarer? Mais ce qui est étonnant, c'est celui qui est sauvé. Comment est-ce qu'il avait lui pour être épargné? Comment est-ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui pour être toujours mutamassikin bis sunnah? Adam in andillah. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que c'est Allah Azza wa Jal qui vous a permis toujours aujourd'hui d'être attaché, mashallah, fervent, dévot à leur Seigneur, à leur Créateur. On le doit qu'à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que les tentations de Satan sont tellement nombreuses et ses assauts sont constants que si tu as pu tenir, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a protégé. Ne pense pas parce que tu es fort. Il faut pas penser parce que on est fort. Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme faible. Wa khuliqa al-insana dha'ifa. Et l'homme a été créé faible. On est faible. C'est pour cela qu'en réalité, si Allah Azza wa Jal nous laisse à nous-mêmes, on est laissé à nous-mêmes, on est perdu. C'est pour cela que les savants nous exhortent surtout chaque jour, chaque matin, ne pas oublier ce dua-là. Et les savants disent ça parce que c'est les héritiers du messager d'Allah, du prophète. Sinon, le prophète, c'est lui qui nous a enseigné ce dua. Ne pas oublier de dire « Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslihni sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi, tarfat a'in. » Ne remets même pas à moi-même, me laisse pas à moi-même, ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil. Si on est remis à nous-mêmes, ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil, on est perdu. On est perdu. Donc, Shaitan, dans tous les domaines, dans ton relationnel avec ton épouse, il va essayer de ternir, de détruire cela. Il va s'attaquer à toi. Il va s'attaquer à ton épouse. Dans ton relationnel avec tes amis, il va t'attaquer. Et nous, ce qu'on a été faible dans cela. Alors, surtout sur beaucoup de shabab qui étaient sur la sunna, il a bien ri. C'est bien amusé. Aujourd'hui, des frères qui étaient sur la sunna, de longues années, des amis, se sont divisés. Wal hajr, et il se parle plus, tu lui dis pourquoi tu parles plus à ton frère? Parce qu'il n'est pas d'accord avec son shir. Et si shir il était là, le shir lui-même dirait ne coupe pas avec ton frère par rapport à moi, subhanallah. Et des fois c'est pour rien. Donc shaitan, dans tous les domaines, il faut faire attention. Et l'un ou l'une des grosses causes pour se préserver est l'ilm. Avec l'ilm. C'est pour cela que lorsqu'on a le savoir, on est tranquille. Le cœur, il est apaisé. Bil-ilm. Comme vous allez voir dans ce qui va suivre, vous allez voir, c'est très très pertinent comment l'auteur va nous clarifier. Déjà depuis le début, ce qu'on lit, on commence à comprendre le monothéisme pur. Et lorsqu'on est sur un monothéisme pur, ça apaise et tranquillise le croyant. Regardez par exemple, lorsque on n'est pas sincère, c'est dur de se préserver de l'ostentation. C'est très dur de se préserver de riya. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de constant. Shaitan nous attaque avec riya. Et déjà nos pieux prédécesseurs, dans les premières générations, comme il est rapporté des salafs, ils disaient, beaucoup d'entre eux disaient, comme il est rapporté, le plus grand combat que j'ai fait, c'est le combat sur moi-même, sur l'ikhlas, la sincérité. C'est très dur. C'est très dur. Mais celui qui arrive à être sincère, vous avez vu, la sincérité commence à apaiser. La personne qui est sincère, il ressent halawat al-iman, la douceur de la foi. Lorsqu'on est sincère, on est content. Le croyant, il est tranquille, il est heureux, il est apaisé. Vous avez vu, lorsqu'on n'est pas sincère, on sera toujours déçu. De même dans la bienfaisance, dans l'entraide des autres. Si vous le faites sincèrement pour Allah, Wallahu fi a'uni al-abd, madam al-abd fi a'uni akhi. Allah est toujours dans l'entraide de son serviteur tant que celui-ci est dans l'entraide de ses frères. Tant qu'on le fait pour Allah, Azza wa Jal, Allah ne te laissera pas. Tu ne seras jamais déçu. Allah est toujours avec son serviteur. Mais si tu commences à faire les choses pour les gens et tu oublies ton créateur, le tawhid ou l'ikhlas, c'est là que ton cœur ne sera jamais tranquille. C'est pour ça que le tawhid, c'est vraiment c'est le bienfait. Le bienfait, vraiment un immense bienfait qu'Allah accorde dans le cœur des croyants. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre pour et tirer le son des différentes doctrines qui sont apparues dans les siècles précédents, des différentes communautés dont Satan les a trompés et dupés, comment ils ont connu la dérive en pensant qu'ils adorent le Créateur. Ils ont voué adoration à leur prophète. Et comment le musulman peut être épargné et rester sur un monothéisme pur. Regardez pour bien comprendre. La deuxième catégorie, donc, c'est donner un semblable à Allah, Azza wa Jal. Dans le sens, le comparer aux créatures. Ça, c'est ce qu'on appelle shirk at-tamthil. Le comparer aux créatures. À savoir que le croyant lui considère que Allah, Azza wa Jal, la mathila la, wa la shabiha la, wa la nidda la. Allah n'a pas de semblable, n'a pas d'égal, n'a pas de rivaux, notre créateur, subhanahu wa ta'ala, huwa wahdahu la sharika la. Pour cela, dans le Coran, Allah nous dit, hal ta'lamu lahu samiyya? Hal ta'lamu lahu samiyya? Est-ce que vous le connaissez un semblable au créateur, un égal au créateur? La. Dans un autre verset, Allah dit, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui est semblable à lui. Il est certes l'audient, le clairvoyant. Fala taj'alu lillahi andada. Et Allah dit aussi, n'assignez pas un semblable à un égard d'Allah alors que vous savez. Donc ça, c'est le fait de donner un semblable dans le sens de comparer le créateur aux créatures. Le créateur aux créatures. Wa amma shirk al-tamthil fa huwa an yuj'ala lillahi shabihan wa niddan wa summiya عدل من خلقه ومن ذلك ادعاء الولد لله جل وعلا لأن الولد شبيه بوالده. Et donc les savants donnent des exemples. Ils disent donc ce shirk al-tamthil, c'est le fait d'assigner un semblable à Allah, un égal à Allah, ou bien de prétendre qu'Allah est un enfant par exemple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que un tel à un enfant, l'enfant est ressemblant au père. L'enfant est ressemblant au père. لِأَنَّ الْوَلَدْ شَبِهْ بِوَالِدِهِ. Et donc, il a une part, quelque part, il a une part de ressemblance au père, par exemple, parmi les choses dites. À l'époque, on rentre dans le même contexte, à l'époque, les polythéistes arabes, à l'époque du prophète, Allah nous relate dans le Coran, si on observe bien, on médite bien dans le Coran, Allah nous relate que à l'époque, les polythéistes arabes avaient dit que, et disaient, prétendaient, que les anges, par exemple, c'étaient les filles d'Allah. Que les anges étaient les filles d'Allah. Comme il est dit dans le verset, « وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا » Regardez, et ils ont dit que, une traduction relative du verset 19 dans la sourate Az-Zukhruf, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ et ils ont fait des anges الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ alors que les anges sont les serviteurs du miséricordieux إِنَاثًا. Donc ils ont dit que les anges étaient إِنَاثًا, femelles. Et يَعْنِي جَعَلُوهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ أو بَنَاتِ اللَّهِ. Et donc ils ont prétendu que les anges c'étaient les filles d'Allah, les filles du Créateur. Comment cela? قالوا ويزعمون أن الله أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة. Et donc eux ils ont dit que Allah Azza wa Jalla il y a une fusion avec les djinns. Prétendaient qu'il y a une fusion avec les djinns jusqu'à أنجب الملائكة. Dans le sens que يقولون إنه تزوج من الجن فأنجب الملائكة. Qu'il se serait marié. Selon leurs prétentions, ils disent, ils attribuent faussement et mensongèrement, à l'époque qu'ils ont attribué cela, qu'ils se seraient mariés avec les djinns et qu'il aurait les anges, aurait eu les anges comme enfants. Comme enfants. قال العلماء هذه الترهات وأباطيل والعياذ بالله. Et les savants disent ça, c'est des absurdités. C'est des mensonges, c'est faux. Pourquoi? Alors qu'eux, à l'époque, les polythéistes arabes, pour eux, ils avaient préférence pour Al-Banoun. Alors Allah lui ont donné les filles, alors que eux avaient préférence pour Al-Banoun. Pour Al-Banoun. Vous avez compris, Al-Banoun, c'est le mal. C'est le mal. Eux, les polythéistes arabes, à l'époque, ils avaient préférence pour le mal. Mais Allah, ils ont dit, ils lui ont donné, assigné, attribué des filles. En disant que les anges, ce sont les filles du Créateur. Donc, en chaque époque, il y a eu des légendes. Donc, même le Créateur, les êtres humains ont blasphémé sur le Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Et regardez, Shaitan, Satan, les a menés où? Et cela lorsqu'ils se sont éloignés de la révélation. Et du fait de suivre les prophètes et les messagers, puisque aucun prophète et aucun messager n'est venu avec ce genre de légende. Aucun prophète n'est venu avec ce genre de légende. فَإِنَّهُ يَقَعْ فِي هَذِهِ الْأُمُرِ الَّتِي تَضْحَكُ الْعُقَلَى أَوْ تُضْحِكُ الْعُقَلَى وَتُخَالِفُ الْفِطَرَ السَّلِيمَ وَالْعُقُولِ. Et donc, justement, ces choses-là, les savants disent, c'est des choses, donc même la nature innée de l'être humain ne peut concevoir. La nature innée, la nature saine de l'être humain, elle ne peut concevoir cela. Et donc, les savants disent que وَلَكِنْ مَنْ تَرَكَ الْوَحِي فَإِنَّهُ يُبْتَلَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْخُزَعَبِلَاتِ وَهَذِهِ الْأَبَاطِلِ وَالْخُرَافَاتِ أَلَّتِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ. Mais ceux qui peuvent être éprouvés par cela, c'est qui, regardez la très belle faïda. Les savants disent, par contre, lorsqu'on délaisse la révélation, al-wahi, on est éprouvé. Et donc, on peut être éprouvé par ce genre d'absurdité. Que les anges seraient les filles du Créateur et annahu tazawwaja hasha wa kalla kama qil min al-jin fa anjab al-malaika. Hasha wa kalla. Ces absurdités, ces légendes, lorsqu'on délaisse la révélation, ensuite on peut être éprouvé par ce genre de de propos, ce genre de conviction. Comme il est dit dans une très belle parole aussi, celui qui n'accepte pas la vérité sera éprouvé par l'acceptation du faux. Lorsqu'une vérité nous est exposée avec les arguments, et si celle-ci elle est claire, que c'est la vérité, si par exemple la personne refuse la vérité, s'obstine, s'enorgueillit, fait preuve de vanité, d'entêtement, alors qu'il sait que c'est la vérité, refuser la vérité, les savants disent, à la fin la personne sera éprouvée par l'acceptation du faux. C'est pour ça, comme on a déjà cité, lorsqu'on apprend l'émergence des différentes doctrines, parfois on voit le ajab, le ujab, des choses étonnantes qui ont été dites. Mais comment ils ont pu dire ça? Certains. On voit des doctrines même dans l'islam, comme on verra, comme on a mentionné par exemple la doctrine hier de l'Wahdat al-Wujud, par exemple, c'est une doctrine, la doctrine de l'Hululiyya, ce qu'on appelle aussi l'Hululiyya, lorsqu'ils ont émergé, on peut se dire, mais comment ils ont pu en arriver là à dire cela au sujet du Créateur? Mais celui qui n'accepte pas la vérité ensuite peut être éprouvé par l'acceptation du faux. Et donc de venir à dire des choses qui, même en réalité, la nature innée de l'être humain refuse ce genre d'idée. قال العلماء فلا عاصم منها إلا التمسك بالوحي والاعتصام بالكتاب والسنة. Et c'est pour ça que les savants ils disent la protection pour se préserver et se protéger de ces formes ou de ces formes de dérive, c'est l'attachement à la révélation. والكتاب والسنة. والكتاب والسنة. C'est pour ça que vous avez souvent entendu les savants décrivent la sunna du prophète comme étant Safinatu Nuh, l'arche de Nuh. Celui qui s'attache à elle, la pratique sera sauvée. Comme à l'époque du déluge de Nuh, alayhi salam, tous ceux qui ont embarqué dans l'arche de Nuh ont été sauvés. Et il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque, de sauvetage, si ce n'est d'embarquer l'arche de Nuh. Certains savants, c'est attention, le mithel, il faut bien l'observer et le méditer. Lorsqu'ils comparent la sunna au safinatu Nuh, à l'arche de Nuh, ça veut dire qu'ils considèrent, les grands théologiens disent, c'est la seule voie pour être sauvé. À l'époque du déluge, est-ce qu'il y avait une autre voie pour être sauvé du déluge? At-Tufan à l'époque de Nuh. Est-ce qu'on pouvait s'abriter dans une montagne? Comme son fils à Nuh, l'un de ses fils avait dit, je vais m'abriter dans la montagne. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il n'y a pas de sauvetage ce jour-là. Il n'y aura pas d'autre voie pour être sauvé. Rien d'autre, si ce n'est Safinatu Nuh, d'embarquer dans l'arche de Nuh. Aujourd'hui, c'est comme si les savants disent, aujourd'hui, la najat. Illa bittamassuk wa li'tisam bil kitab wa sunna. Bil kitab wa sunna. Vous voyez, les paroles sont très explicites. Qala fa hada shirk at-tashbih. Et donc ce shirk qu'on est en train de dire, pour résumer maintenant, les savants l'appellent shirk at-tamthil, shirk tashbih. Shirk tashbih. Et donc, ce shirk en réalité revient au shirk fil asma wa sifat. C'est le shirk qui est lié aux noms et aux attributs. Aou fi ar-rububiyya, ou bien lié à la seigneurie. Ou bien le shirk qui est lié à la seigneurie. Wa huwa ma waqa'a fi al-mushabbiha min an-nasara wa ghayrihim kadhalika tashabbu billahi 'azza wa jalla. Donc les nations précédentes, même d'autres communautés précédentes, sont tombées dans ce tashbih. Dans cette comparaison du créateur aux créatures. Du créateur aux créatures. Et même dans notre communauté, beaucoup n'ont pas été épargnés et n'ont pas été à l'abri, comme on va voir dans ce qui va suivre. « طيب قال المصنف رحمه الله تعالى قال منهم من يعبد أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية ومنهم ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك آلهة تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل قال فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال باب الجواب عن السؤال فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق هذا là c'est très pertinent ce que dit l'auteur. Je vais essayer de vous le traduire de manière très relative. Regardez-le, là c'est très pertinent. Donc il nous dit donc, parmi les adorations qui se sont faites, l'adoration de fausses divinités et de faux dieux qui se sont faites sur terre, parmi ces adorateurs, minhum, il dit, man ya'budu ajza'an samawiyya, ceux qui ont adoré des idoles célestes. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ أَجْزَاءً أَرْضِيَّ D'autres ont adoré des idoles terrestres. وَمِنْ هَاوْلَ مَنْ يَعْزُمُ أَنَّ مَعْبُدَهُ أَكْبَرُ الْآلِهَةِ Et parmi eux, il dit, ceux qui considèrent que leur adoré, leur divinité, est la plus grande. Et plus grande que d'autres divinités prises en dehors du Créateur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْزُمُ أَنَّهُ إِلَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْآلِهَةِ Et d'autres ont considéré que leur divinité, comme on l'a dit précédemment, est la plus grande des divinités. D'autres ont considéré que c'est une divinité parmi tant d'autres divinités. Wa minhum man yaz'umu annahu idha khassahu bi'ibadatihi wa tabattuli ilayhi uqbila aw aqbala alayhi wa atana bihi wa atana bihi. Wa minhum man yaz'umu anna ma'budahu al-adna يقربه إلى الأعلى الفوقاني والفوقاني يقرب إلى من هو فوقه. Et tout cela, on va l'expliquer dans ce qui va suivre. Et d'autres ensuite, donc pour eux, adorer cette leur idole, leur divinité, pour eux, ils considéraient que ça allait leur apporter une intention particulière. Certains ont prétendu aussi que leur idole Al-Adna, que leur idole était une idole à la base inférieure, mais qui menait vers celle qui est supérieure. Qui menait vers celle qui est en supérieur. C'est-à-dire, Men yaz'um anna ma'budahu al-Adna yuqarribuhu ila al-A'la al-Fawqani. Donc il y a une idole, pour eux ils considèrent qu'elle est inférieure celle-ci, mais qu'elle va le mener vers son idole, son adoré, qui est supérieur que celle-ci. وَالْفَوْقَانِ يُقَرِّبُهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَ Et que celle qui est supérieure l'amènera vers celui qui est encore plus haut et plus supérieur que celle-ci. Ou celle qui est plus haut et plus supérieure que celle-ci. حَتَّ تُقَرِّبُهُ تِلْكَ الْآلِهَةِ إِلَى اللَّهِ Subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que ces divinités ensuite le mène vers celui qui est le plus haut, Allah. Le mène vers Allah. فَتَارَةً تَكْسَرُ الْوَسَائِطِ وَتَارَةً تَقِيلِ. C'est très pertinent parce que vous allez voir dans l'explication. Et donc l'auteur dit, et parfois, donc الوسائط, les intermédiaires et les intercesseurs sont nombreux, et parfois les intercesseurs sont peu nombreux. Vous avez vu pourquoi ? Parce qu'ils adorent des divinités, celle qui est inférieure, pour que celle qui est inférieure l'amène vers la divinité supérieure. Et la supérieure ramène vers, le conduit vers le supérieur, jusqu'à ce que ça les conduise vers Allah Azza wa Jal. Donc parfois, ça c'est des wasait. C'est des intermédiaires, des intercesseurs, pour ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Donc parfois, le wasait, les intermédiaires sont nombreux, et parfois ils sont peu nombreux. Qala. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال. Et donc, si l'auteur dit, tu as compris, donc pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم a clarifié cela, a désapprouvé ces formes de polythéisme, et a bien clarifié cela. Ces polythéismes liés aux paroles, liés aux actes, liés aux intentions, قال المصنف, regardez ce qu'il dit. إن فتح لك باب الجواب عن السؤال. Et donc, s'ouvre à toi la porte de la réponse à la question. Regardez ce qu'il dit. S'ouvre à toi la porte de la réponse à la question. Quelle question ? Quelle question ? Qu'est-ce qu'est la réponse ? Il dit In fataha laka babul jawab an issu'al. Mais quelle question il veut dire ? Naam, c'est La question que lui-même il a posée. Exactement. Vous avez vu la première question ? En réalité, c'est la réponse, tout ça là. Tout ce qu'on est en train de lire, regardez, on revient. وَمَا السَّرُّ فِي كَوْنِهِ لَا يُغْفَرُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الذُّنُوبِ سؤال. Vous appelez lorsque l'auteur a posé la question. Il a dit, mais quel est le mystère, quel est le secret que Allah Azza wa Jal, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le premier verset dans le Coran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, cette miséricorde immense et infinie du Créateur. Allah est le grand pardonneur. Quel est le secret, le mystère que, alors qu'il pardonne tout, et il dit à ses serviteurs de ne pas désespérer de sa miséricorde, Allah pardonne tout, subhanahu wa ta'ala. Quel est le mystère, le secret du fait, par contre, le shirk qu'il ne pardonne pas ? Alors que c'est le grand pardonneur. Vous avez vu la réflexion de l'auteur ? Et rappelez-vous, c'était, il y a eu un point d'interrogation. Il pose la question. Pourquoi le créateur pardonneur, miséricordieux, qui pardonne tous les péchés, et que nous dit dans le Coran que seuls ceux qui désespèrent de sa miséricorde sont égarés, sont les égarés. Le croyant ne désespère jamais de la miséricorde du Créateur. Il est le grand pardonneur, celui qui accorde le pardon. Si on lui demande pardon, Allah fait absolution des péchés. Il pardonne, subhanahu wa ta'ala. Par contre, le shirk, non. Pourquoi ? C'est quoi le mystère ? C'est quoi le secret ? C'était tout ça. Vous avez vu tout ce qu'il a mentionné ? Shirk, ta'til, shirk, tamthil. Vous avez vu toute cette sorte d'exposé ? Cette sorte d'exposé, c'était la réponse. Il dit, si tu as compris tout ce qui a précédé, in fataha laka bab jawab ala su'al. Si ça tu l'as compris, si tu n'as pas compris, tu reviens. Parce qu'il dit, si tu as compris ça, alors la porte de la réponse va s'ouvrir. Si vous n'avez pas compris, il faudra reprendre les et relire. Il faudra relire ce qui a été dit. Regardez maintenant ce qui est pertinent. Si par contre on a compris, et là c'est une immense faïda qu'il va nous donner. Si maintenant on a compris, non, on continue en admettant qu'on a compris. On continue. On admet mieux qu'on a compris, comme ça on peut continuer. Ou on se dit qu'on n'a pas compris et on reprend. Ça ne me dérange pas, on peut reprendre. Si on a compris, on continue. Regardez ce qu'il va dire maintenant. Il a une très belle faïda. Il dit, alors si tu as compris cela, donc, et on voit que c'est ce que l'auteur avait cité précédemment, puisqu'on a parlé de Ashrafil al-Af'al, ou al-Aqwal, ou al-Iradat, on a parlé de tout ça. On va bien. Faqala, in fataha laka babul jawabi an su'al. فنقول اعلم ان حقيقه الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق. Et donc il dit donc retiens, il dit et sache que la réalité du shirk en réalité c'est quoi? C'est comparer le créateur à la créature et comparer la créature au créateur. Voilà, c'est ça. Il résume cela en cette phrase. Qu'est-ce que shirk? La réalité, haqiqat al-shirk, tashbih al-khaliq bil-makhluq, wa, là il va citer, mais on va le voir, tashabbu ou tashbih al-makhluq bil-khaliq. Tout simplement. Et il y a une différence entre les deux. Lorsqu'on dit comparer le créateur à la créature, et lorsqu'on dit comparer la créature au créateur. Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Comparer le créateur à la créature. Comparer la créature au créateur. Vous avez vu? Deux termes. C'est très important, il y a une différence entre les deux. Les savants disent la négation, par exemple, des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal et des attributs de perfection. On appelle ça ta'til. On appelle ça négation. Donc, il y a des doctrines qui sont apparues dans le monde musulman, des doctrines dans le monde musulman, déjà dans les premiers siècles, comme Al-Jahmiya, le Mu'tazila, qui ont nié les noms d'Allah Azza wa Jal sublimes et les attributs de perfection. Ça, c'est du ta'til. Les savants, par exemple, disent que le ta'til est donc cela, ce ta'til-là qui rentre dans ce qu'on a cité, dans tout ce qu'on a appris précédemment, disent que ça, c'est comparer le créateur à la créature. Ça rentre dans comparer le créateur à la créature. Comme ils disent aussi, al-shirk fi al-rububiyya, le polythéisme dans la seigneurie, ça rentre dans comparer le créateur à la créature. Le créateur à la créature. À l'inverse, dans al-ubudiyya ou al-uluhiyya, dans le domaine de l'adoration, c'est l'inverse. C'est avoir comparé assimiler les créatures au créateur. Les créatures au créateur. Regardez, je vous donne un exemple. En ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, on a deux extrêmes dans, parmi les doctrines musulmanes qui sont apparues dans les premiers siècles. Ceux qui affirmaient avec exagération, al-mushabbiha, comme on a fait allusion à cela dans la dernière assise, ou al-mu'attila, ceux qui ont nié. Certains qui ont nié, par exemple, certains qu'on y est, ils ont dit on ne peut pas affirmer parce qu'on ferait comparaison entre le créateur et la créature. De même, ceux qui ont assimilé, ils ont comparé directement le créateur à la créature. Ils comparent le créateur à la créature. À l'inverse, dans le domaine de l'adoration, lorsque par exemple, Al-Awliya, des saints ont été adorés, les défunts, l'adoration des morts, par exemple, lorsqu'ils ont adoré l'Aouliya, le Wali, dans notre communauté, lorsqu'ils adorent le Wali, ils comparent là la créature au créateur. Ils l'adorent pourquoi? Parce qu'il lui donne des pouvoirs du créateur. Il donne au défunt, au Wali, des particularités de la seigneurie. Des particularités de la seigneurie. Donc ici, il y a une comparaison de la créature, il lui donne des pouvoirs, des particularités de la seigneurie d'Allah que seul Allah Azza wa Jal puisse faire, qu'est-ce qui pardonne? C'est Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui accorde la grande récompense qui fait rentrer au paradis? C'est Allah Azza wa Jal. Qui est-ce qui accorde la guérison lorsqu'on la demande? C'est Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on pense que le wali peut faire cela, il a une part de gérance de l'univers avec le créateur. Là, on a comparé qui? Le créateur à la créature ou la créature au créateur? La créature au créateur. Lorsqu'ils ont comparé la créature au créateur, en lui donnant des pouvoirs liés à la seigneurie, alors ensuite ils l'ont adoré. C'est ça ce que les savants, lorsqu'ils disent, فَتَقُلْ اِعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ تَشْبِهَ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَتَشْبِهَ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ. تفضل. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث محمدا الذي بعث. Donc juste pour terminer, et l'auteur juste ensuite il va clarifier ce qu'on vient de dire, d'expliquer. فَقَالَ فَنَقُلْ اِعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ تَشْبِئَ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَتَشَبُّهُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الْأَوَّلْ فَإِنَّ الْمُشْرِكْ شَبَّهَ الْمَخْلُوقَ بِالْخَالِقِ فِي خَصَائِصِ الْإِلَهِيَّةِ وَهِيَ تَفَرُّدُ بِمُلْكِ وَالدُّرِّ وَالنَّفْعِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب. Et regardez ce que l'auteur dit. Là, il clarifie la première chose. La première chose, comparer la créature au créateur. Comparer la créature au créateur. قال في خصائص الإلهية. Donc il confirme la comparaison ici de la créature. Comparer la créature au créateur, regardez ce qu'il dit, فِخَصَيْسَ الْإِلَهِيَّ, que ça revient à l'uluhiyya. Ça revient à l'uluhiyya. وَهِيَ تَفَرُّدُ, regardez, alors que celle-ci, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, هُوَ تَفَرُّدُ بِمُلْكِ الدُّرُّ وَالنَّفْعَ وَالْعَطَى وَالْمَنْعَ فَمَنْ عَلَّقَ ذَلِكَ بِمَخْلُوقٍ فَقَدْ شَبَّهُ بِالْخَالِقِ تَعَالَى. Et donc, Allah, par exemple, est celui qui peut t'accorder profit, peut te nuire. Allah yanfa' wa nafa' wa yadur, Allah est celui qui peut t'accorder profit, ou te nuire, ou al-manti, ou al-mani'a. Et Allah est celui qui donne, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui prive. Lorsque ces particularités-là, on les donne à autre que lui, alors ensuite, on a fait ressembler donc la créature, ce autre que lui, au créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est un immense rappel que le croyant, sa première obligation, c'est de connaître son créateur. Puisqu'il adore son créateur. Ma'rifatullah. L'importance de connaître son créateur. Son adoré. Al-ilah. Il faut le connaître. Et c'est pour ça, dans les premiers siècles de l'islam, il y a eu beaucoup de dérives qui ont émergé déjà. Comme on avait déjà dit, à la fin de l'ère des compagnons, déjà beaucoup de dérives et de doctrines ont émergé du fait de leur manque de connaissance ou leur défaillance dans leur connaissance au sujet de leur créateur. Regardez par exemple, lorsque sont apparus Al-Qadariya, ça c'était à la fin de l'ère des compagnons. À la fin de l'ère des compagnons, lorsque les grands compagnons sont décédés après. Après même l'époque des quatre califes bien guidés. Après l'époque de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, est venue l'époque ensuite des jeunes compagnons. Et c'est dans l'ère des jeunes compagnons, à l'époque de Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Zubayr, Jabir ibn Abdillah et d'autres compagnons, Anas ibn Malik et d'autres, c'est là que sont apparus par exemple Al-Qadariya. Vous savez, les premiers Al-Qadariya, ce qu'on appelle, c'est cette première doctrine, l'une des premières doctrines qui est apparue dans la négation du destin. Vous savez, les premiers, et à leur tête, celui qui avait propagé cela, l'un des premiers qui a propagé cela, c'était à l'époque en Irak, il s'appelait Ma'bad al-Juhani. C'était à l'époque de Abdallah ibn Omar, Abu Huraira, Abdallah ibn Abbas, Jabir ibn Abdillah, Anas ibn Malik. C'était à cette époque. Ma'bad al-Juhani, l'un des premiers qui a propagé la négation du destin. Vous savez, par exemple, leur doctrine s'appuyait sur quoi ? S'appuyer que ce qui se passe dans le monde, les événements qui se passent, pourquoi ils niaient le destin ? Ils niaient le fait qu'Allah Azzawajal en ait la connaissance, avant même que les événements se produisent. Donc de ce fait, ils ont nié le destin. Ils ont dit Allah n'a pas prédestiné. Il n'y a pas de décret. Et que les choses, Allah Azzawajal en a la connaissance après qu'elles se produisent. De là, ils ont nié le destin. Ça, c'était Al-Qadariya, les négations du destin des premiers siècles. Des premiers siècles. Ensuite, plus tard, Al-Qadariya, ce n'est pas la science d'Allah Azzawajal qu'ils vont renier, mais c'est le fait que les actes des hommes, le Créateur les a créés, mais c'est les hommes qui créent leurs propres actes. Et ensuite, Al-Qadariya se sont stabilisés sur cette croyance-là. Sur cette croyance-là. On avait dit qu'une tendance extrême, dans les premiers siècles aussi, dans les premiers siècles de l'islam, est venue pour réfuter cela. Al-Jibriya. Lorsqu'est apparu Al-Jibriya, eux, c'était la croyance inverse. Et regardez, c'est toujours une manque de connaissance du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Eux ont dit, à l'inverse, qu'il y a le destin et la prédestinée. Ils l'ont affirmé, mais d'une manière exagérée, de sorte qu'ils ont dit, Al-Jibriya, ça vient du terme que l'insan, il est mujbar. Il est contraint. Quoi qu'il fasse, il est contraint. C'est l'ordre divin, il est contraint et il n'a pas de libre arbitre. Laissez l'ikhtiyar. Il n'a pas de choix. Ce qu'il fait, il en est contraint. Vous avez vu comme une plume, lorsqu'elle est prise par le vent, et elle suit ce vent-là. Ils disent, l'être humain, c'est ainsi. Et donc, eux, Al-Jibriya, eux ont dit que ils ont affirmé le destin à l'extrême, avec excès, en disant que tout est prédestiné, l'être humain, il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre. Et donc ça ensuite, ceux qui ont adhéré à cette doctrine ont été surnommés Al-Jahmiya Al-Jibriya, Al-Jahmiya Al-Jibriya, et ceux qui ont adhéré à la doctrine de Al-Qadariya, déjà propagé dans les premiers siècles. Et c'est pour ça que l'imam muslim rapporte cela dans son authentique. Lorsque l'imam muslim, le premier hadith que va mentionner l'imam muslim dans son recueil, c'est le hadith de Jibril, alayhi salam. Et donc il va mentionner la chaîne de transmission. Et dans la chaîne de transmission, il va mentionner un homme qui s'appelait Yahya ibn Ya'mar. Yahya ibn Ya'mar. Il y avait un autre homme qui s'appelait Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Humayd ibn Abdurrahman. Ces deux hommes, ils habitaient à l'époque dans la région de Al-Basra, en Irak. À l'époque justement de Ma'bad al-Juhani. Et les deux hommes, un jour ils ont entendu cette idée qui se propage au sujet du qadr, la négation du destin. Alors les deux hommes, ils se sont dit, on n'a jamais entendu cela. Alors les deux hommes, l'un qui s'appelait Yahya ibn Ya'mar et l'autre qui s'appelait, c'était son ami, son camarade, Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, et vous pouvez regarder la chaîne de transmission, l'imam Muslim les mentionne. Il mentionne le récit d'eux. Ces deux hommes se sont dit, on va attendre la période du pèlerinage, et on va profiter de la période du pèlerinage pour se rendre à la Mecque, et rencontrer des compagnons du prophète pour les questionner. Ce qu'ils firent. Alors ils ont attendu la période du pèlerinage. Dans la riwaya de l'imam Muslim, il est dit pèlerinage et ou bien Umrah. Ils se sont rendus au lieu saint et ils sont rentrés à la mosquée. Et un jour, ils rentrèrent dans la mosquée et ils ont rencontré un compagnon. Ce compagnon était Abdallah ibn Omar. Imaginez-vous. Ils rencontrent Abdallah ibn Omar. Lorsqu'ils rencontrent Abdallah ibn Omar, ils se rendent vers lui et ils se rendent compte que c'est le célèbre compagnon Abdallah ibn Omar, le fils du deuxième calife. Et tout de suite, il l'interroge. Il dit, nous sommes des gens venus de Al-Basra, de cette région d'Irak, et nous avons entendu telle et telle chose et telle chose sur le qadar, sur le destin. Alors, ils ont demandé l'avis du compagnon. Regardez, à l'époque, ils ont fait tout ce parcours pour poser la question. À qui de droit ? Pour poser la question à qui de droit ? Et c'est là que Abdallah ibn Omar, que va-t-il leur répondre? Ça, c'est un exemple pour tout musulman. Qu'est-ce que va leur dire Abdallah ibn Omar? Abdallah ibn Omar, est-ce qu'il va donner sa propre idée, sa propre philosophie? Il va dire « Haddathani Abi ». Mon père m'a raconté. « Bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam al-hadith ». Il va relater toute l'histoire, le célèbre hadith de Jibril. Alors que nous étions assis en compagnie du prophète, sallam, istala alayna rajulun shadidu bayadu thiyab, shadidu sawad shahr. Un homme est apparu à nous avec des vêtements resplendissants, un blanc resplendissant et des cheveux éclatants. Traduction relative. Alors qu'ils étaient avec le prophète. Et cet homme est apparu. Il questionna le prophète sallam lorsqu'il est apparu au sujet de l'islam. Akhbirni anil islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Et là, vous connaissez le long hadith de Jibril alayhi salam. Et bien, Abdallah ibn Omar, il a relaté ce hadith. Tout le récit que lui a raconté son père. Et c'est comme cela que l'imam Muslim mentionne le premier hadith. Vous pouvez vous référer dans Sahih Muslim, le hadith avec la chaîne de transmission de Abdallah ibn Omar. D'abord, Yahya ibn Ya'mar wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari an ibn Omar an Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an, et qui relate tout le hadith de Jibril. Pourquoi? Pour le passage lorsque Jibril sale Nabi sallallahu alayhi wa sallam an l'Iman, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite lui a dit al-Imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawm al-akhir. Regardez, le prophète réitère. Il dit « Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi » Pour bien vous rappeler dans l'ordre, Allah envoie les anges avec quoi ?« Bil kutub » Il amène « Il rasul » Pour nous avertir de quoi ? Pour nous parler de « Yom al-akhir » Mais regardez « Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yom al-akhir » Et le prophète, pour le qadar, il va réitérer « Wa tu'mina bil qadar » Et que tu crois au qadar. Bon tu dois y croire. Arkan Sitta. Et ça, c'est les six piliers de l'Iman. Et juste, on se quitte. Et dans une prochaine assise, on continuera. C'est un long hadith qui est immense. C'est un long hadith, vous avez vu, qui est immense. C'est pour ça que, regardez dans Arba'in al-Nawawiyya, al-Imam al-Nawawi, Imam al-Kabir, Rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Nawawi, dans Arba'in al-Nawawiyya, il a fait quelque chose d'immense. Wa qallada, bayna qawsayna, qallada l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Pourquoi ? L'imam al-Bukhari, iftataha kitaba wa sahiha bi hadith, inna l'a'malu bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa, faman kana tijratu ila Allahi wa rasuli, kana tijratu ila Allahi wa rasuli, wa man kana tijratu lidunia yusibu wa imra'atin yankihuha, fa kana tijratu ila ma hajra ilayhi. Al-Hadith. L'imam Bukhari, il a commencé par ce hadith. Et l'imam Muslim, il a commencé par le hadith de Jibril. Qu'est-ce qu'a fait l'imam Nawawi ? Il a cité le hadith de Inam al-A'mal bin Niyat et il a cité le hadith de l'imam Muslim, le hadith Jibril. Il a cité le hadith Jibril. Comme a fait l'imam al-Bukhari et comme a fait l'imam Muslim. Et comme a fait l'imam Muslim. Et observez aussi comment l'imam Bukhari a terminé son sahih. Il a commencé innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Beaucoup de savants font cela. Al-a'mal bin-niyyat, al-ikhlas. Yuzakkir nafsa bi al-ikhlas billahi 'azza wa jalla. Donc c'est pour ça beaucoup de savants ont suivi l'imam Bukhari dans cela et lorsqu'il commence un écrit, il commence par innama al-a'mal bin-niyyat. Yuzakkir nafsa bi al-ikhlas. Mais regardez l'imam Bukhari comment il a terminé. أحسنت من قال أحسن الله إليك كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان deux paroles légères à prononcer mais qui seront lourdes sur la balance قال العلامة شيخ عبد المحسن العباد لما ختم شرح في صحيح البخاري il a rapporté cette faïda en disant l'imam al-Bukhari a commencé par l'intention il se rappelle la sincérité mais à la fin il se rappelle l'œuvre, comment elle peut être lourde sur la balance. En espérant, c'est comme si, Wallahu A'lam, mais c'est comme si que l'imam al-Bukhari, il espérait que son sahih soit lourde dans sa balance. Subhanallah. C'est des sens à méditer lorsqu'on regarde les livres, on lit Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, ils sont là pour être lus, ces livres. Wallahu A'lam, en tout cas juste pour la question du qadr, la question du qadr, pour que ce soit clair, hein, pour bien se quitter, le croyant croit au qadr. Il croit en la science infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qui se passe dans ce kaun, dans cet univers, sans qu'Allah en ait la connaissance infinie, avant même que ça se produise. Et même si une chose elle ne s'est pas produite et elle devait se produire, Allah en a la connaissance, même si ce n'est pas produite. La deuxième chose, c'est qu'Allah azzawajal est le créateur de toutes choses. Il n'y a rien dans cet univers sans qu'Allah Azza wa Jalla l'ait créé, même nos œuvres. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Même nos œuvres, Allah Azza wa Jalla, wa khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, kataba kulli shay, al-kitaba. Allah a tout inscrit. Avant 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah avait tout inscrit. Tout est inscrit. C'est pour ça qu'on dit kul shay maktoub. Tout est inscrit fi lawhi al-mahfouz. Qu'on est là aujourd'hui, que natazakkar kitab Allah wa sunnat al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est maktoub, c'était écrit. Allah le savait avant même que ça se produise. Et dernièrement, c'est le mashi'a. Wa ma tasha'un illa ayyasha Allah. On ne saurait vouloir sans qu'Allah azza wa jal le veuille. La volonté d'Allah azza wa jal. Tout ce qui se produit dans cet univers, Allah en a la volonté. C'est ça le qadr. Il faut croire en ces quatre choses pour croire au destin, à la prédestiné. Celui qui croit en cela, il sera apaisé. Si vous êtes touché par une épreuve, قدر الله وما شاء فعل. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.